Justement, on m'entend. Un extrait du livre de blagues dont mes enfants raffolent. Une souris de laboratoire se vante à ses collègues souris d'avoir réussi à dresser les scientifiques du laboratoire. Hein. Et comment est-ce qu'elle démontre ça? Elle dit, à chaque fois que je vais sonner la clochette, il m'amène de la nourriture maintenant. Vous comprenez que c'est comme la perspective à l'envers de ce que les scientifiques pensent faire avec la souris. C'est intéressant parce que on dirait des fois qu'on se prend pour cette souris par rapport à Dieu. On pense avoir dressé Dieu. On voudrait en tout cas. Mais ça marche plutôt dans le sens contraire. Un peu de contexte. Alors, on est dans une séquence. Je ne parle pas juste du livre La Genèse, je parle en particulier là, depuis le chapitre 37. On est dans une séquence qui a été introduite par cette drôle d'expression, hein, « Voici la postérité de Jacob », et là, on n'a pas de généalogie comme on est habitué d'en avoir. Au contraire, on a une histoire détaillée d'épisodes de la vie familiale de Jacob et de ses enfants. Et là, on arrive à un point important au chapitre 45 de cette histoire. Vraiment une des plus belles histoires. Dieu aurait pu escamoter ça. Il aurait pu nous dire, Jacob s'est déplacé en Égypte suite à une famine, lui et sa famille. Et puis, ils sont restés là 400 ans. Il aurait pu résumer ça comme ça. Après tout, il y a beaucoup d'épisodes où on a très peu de détails, où c'est très compressé dans le récit. Mais il a choisi de nous donner des détails sur 37 à 45. Pourquoi l'avoir fait? On a déjà une réponse générale, on pourrait dire. Tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. Ça s'est dit dans le Nouveau Testament, dans Romains 15. Tout ce qui a été écrit avant, là, ça l'a été pour notre instruction. Est-ce que ça veut dire qu'on va tous devenir gouverneurs de l'Égypte ici? Non, c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Je fais référence au fait que Joseph est devenu gouverneur de l'Égypte, d'esclave qu'il était, en l'espace de quelques heures, il est promu gouverneur de l'Égypte. Mais ce n'est pas nécessairement comme ça qu'il faut se l'approprier. Mais il y a quelque chose pour nous. On est dans un contexte familial, la famille de Jacob, avec ses 12 fils, 4 mamans. Qu'est-ce que j'ai dit de si troublant? Laissez-moi commencer. Il n'y a pas d'offense. Alors, pour reprendre les grandes étapes de cette histoire familiale, 12 fils, 4 mamans, de la rivalité dès le départ par cette constitution familiale polygame. Des fils qui ne sont pas nécessairement, on va dire, très respectueux de leur père, on va le dire comme ça. Des fils qui se jalousent entre eux. Et particulièrement Joseph. Premier fils d'une épouse qui était Rachel, préféré de Jacob. Mais par contre, l'inverse n'est pas vrai. Joseph ne hait pas ses frères. Joseph ne les déteste pas, au contraire. Et pour couper court, les frères de Joseph vont, sous l'effet de la haine, ils étaient prêts au meurtre. Mais Dieu a préservé Joseph, qui a été vendu par eux comme esclave, déraciné et envoyé en Égypte, où il est devenu esclave d'un notable égyptien, disons-le comme ça, Potiphar. Et encore une fois, son épreuve ne s'arrête pas là. Il va être accusé faussement alors qu'il est un serviteur le plus fidèle. Il va être accusé faussement. Il se retrouve en prison. Et là, on peut dire qu'il est vraiment au bas de l'échelle, un esclave en prison, sans famille. Mais Dieu va l'élever au bout de 13 années. Il devient gouverneur de l'Égypte. Et après 22 ans passés en Égypte, on arrive à cette séquence assez rapide qui se passe entre les chapitres 42 à 45. Dieu avait annoncé une famine, et la famine arrive. Pharaon, gouverneur de l'Égypte, a reçu de Dieu l'information sur ce qui allait arriver dans les 14 années. Et la sagesse aussi pour pallier à la famine. Et il y a du blé qu'en Égypte. En Canaan, c'est la famine. Les frères Jacob et ses fils doivent aller chercher du blé en Égypte. Et là, ils arrivent devant Joseph. Joseph les reconnaît, mais n'est pas reconnu d'eux. Et là, commence une mise à l'épreuve. Non pas une vengeance, une mise à l'épreuve. Alors, Joseph met ses frères sous pression. Joseph se souvient des songes qu'il a eus dans le chapitre 37, longtemps avant, 22 ans avant. Alors, ses frères sont accusés, oui, faussement, d'être des espions. Et Siméon est gardé en otage. Et là, je le raconte rapidement, mais grande détresse pour eux. Grande détresse. Et ils associent cette épreuve à leur faute. Ça, c'est bien important de le souligner. Pour eux, c'est ce qu'ils reçoivent, là, mérite, vient de ce qu'ils ont mérité par leur faute envers Joseph. Et souvenez-vous aussi que tout ce temps-là, ils font croire à leur père que Joseph a été déchiré par une bête. Ils n'ont jamais avoué la vérité à leur père. Et leur père est inconsolable et porte le deuil. L'ambiance familiale devait être assez difficile. Alors, Siméon est gardé comme otage. Le temps que les frères puissent prouver leur bonne foi, comment? En ramenant le frère manquant, Benjamin, qui n'était pas du premier voyage. Benjamin, après que les réserves de blé ont été épuisées, Benjamin, finalement, Jacob le laisse aller. Judas s'en porte garant. Et tout semble bien se passer dans un premier temps. On est rendu au chapitre 44. Tout semble bien se passer dans un premier temps. Hein, il n'y a pas d'ennui à cause de l'argent qui, chose étrange, est réapparu dans leur besace. Le gouverneur les retient à dîner. Ils peuvent repartir avec des provisions de blé, mais ils n'ont pas fait très long sur le chemin du retour que l'intendant du gouverneur les rattrape. Pourquoi est-ce que vous avez rendu le mal pour le bien? Pourquoi est-ce que vous avez volé la coupe de mon maître, hein, du gouverneur? Mais on n'a pas fait ça. Et là, commence la fouille du plus vieux au plus jeune. Et pendant cette fouille, en fait, je pense que je vais arrêter de le raconter. On va aller le lire, OK? Genèse 44, je vais commencer à 44, pas au début de 44, mais... À 14. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph où il était encore. Excusez, je devrais dire, la coupe a bien été trouvée dans la besace de Benjamin. Benjamin, l'autre fils de Rachel, l'autre préféré de Jacob. L'autre fils auquel l'âme de Jacob est attachée. Les frères déchirent leurs vêtements. Le pire scénario se concrétise sous leurs yeux. Catastrophe. Encore une catastrophe. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph où il était encore, et ils tombèrent à terre devant lui. Joseph leur dit, « Quelle action avez-vous faite? Ne saviez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner l'avenir? » Judas répondit, « Que dire à mon Seigneur? Comment parler? Comment nous justifier? Dieu a trouvé tes serviteurs en faute, qui est pourtant pas celle d'avoir volé la coupe, qui est plutôt celle vis-à-vis de Joseph, 22 ans avant. Nous voici esclaves de mon Seigneur, aussi bien nous que celui sur qui la coupe a été trouvée. Je vous suggère pas de vous offrir en esclavage à la légère. » Alors ici, ils sont prêts à partager la punition. Qui est une punition pour la vie, là. Alors Joseph dit, « Je ne risque pas d'agir de la sorte. L'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave. Mais vous, remontez en paix vers votre père. » Alors Judas, et là je vous suggère ici que Judas est comme le porte-parole des autres. Autrement dit, que les autres auraient pu dire ce que Judas a dit. Alors Judas s'approcha de lui et dit, « De grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse adresser la parole à mon Seigneur et que ta colère ne s'enflamme pas contre ton Seigneur, ton serviteur. Car tu es comme Pharaon. Mon Seigneur a questionné ses serviteurs en disant, « Avez-vous un père ou un frère? » Nous avons répondu à mon Seigneur, « Nous avons un vieux père et un petit frère, enfant de sa vieillesse. Son frère est mort. » Mention de Joseph ici. Il est donc le seul qui soit resté de sa mère, et son père l'aime. Tu as dit à tes serviteurs, faites-le descendre vers moi et que je le voie de mes propres yeux. Nous avons répondu à mon Seigneur, le garçon ne peut quitter son père. S'il le quitte, son père mourra. Tu as dit à tes serviteurs, si votre petit frère ne descend pas avec vous, vous ne reverrez plus mon visage. Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Notre père a dit, « Retournez achetez-nous un peu de vivres. Nous avons répondu, nous ne pouvons pas descendre, mais si notre petit frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons pas voir le visage de cet homme à moins que notre petit frère ne soit avec nous. C'était la condition pour retourner en Égypte, que Siméon soit libéré, recevoir du blé. Il fallait prouver leur bonne foi de cette façon. Ton serviteur, notre père, nous a dit, « Vous savez que ma femme m'avait enfanté deux fils, l'un est parti de chez moi. Je pense qu'il a sans doute été mis en pièces, car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Si vous me prenez encore celui-ci et qu'il lui arrive un accident, c'est dans le malheur que vous ferez descendre mes cheveux blancs au séjour des morts. Maintenant, si je reviens auprès de ton serviteur, mon père, et si le garçon n'est pas avec nous, comme son âme est attachée à la sienne, il mourra. En voyant que le garçon n'est pas là. Peut-être que Judas le disait un peu de la même façon. Tes serviteurs auront fait descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre père, car ton serviteur s'est porté garant pour le garçon en disant à mon père, « Si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. Maintenant, je t'en prie, que ton serviteur reste à la place du garçon comme esclave de mon Seigneur et que le garçon remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter auprès de mon père si le garçon n'est pas avec moi? Ah! Que mon regard ne s'arrête pas sur le malheur qui atteindra mon père. Plaidoyer authentique, sincère de Judas. C'est plus de la jalousie envers le fils préféré maintenant qu'il ressent. Il est non seulement bienveillant envers son père, il est aussi bienveillant envers Benjamin. Il veut prendre sa place. Ce n'est plus les mêmes frères qu'il y a 22 ans. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui se tenaient auprès de lui. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde d'auprès de moi. » Il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit reconnaître par ses frères, il se mit à sangloter troisième fois en deux chapitres. Ça a duré quelques mois en passant, probablement les deux voyages, quelques mois d'intervalle, on ne sait pas exactement combien. Ce qu'on sait à 45, c'est qu'on est à la deuxième année de la famine, mais on ne sait pas exactement quand est-ce que les frères sont arrivés la première fois. Mais troisième fois donc, Joseph sanglote. Ça n'a pas été facile pour lui non plus, cette mise à l'épreuve. Certainement pas, il n'est pas animé d'une vengeance froide. Et là, devant le plaidoyer de Judas, donc les Égyptiens l'entendirent sangloter, hein, et la maisonnée du Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore? » Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient épouvantés de se trouver en face de lui. Mettez-vous à leur place. Quelle histoire! Oui, ils pourraient avoir humainement raison de redouter la vengeance de leur frère qui les tient complètement en son pouvoir. Et qui a beaucoup souffert à cause d'eux. Joseph dit à ses frères, qui ne répondent rien, je vous rappelle, « Je vous en prie, approchez-vous de moi. » Alors ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Pas en accusant ici. Ici, il vient de prouver son identité. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous garder en vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans qu'il y a la famine dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous assurer un reste dans le pays et pour vous permettre de survivre par une grande délivrance. Maintenant donc, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon. Évidemment, c'est pas vraiment le père biologique du Pharaon. On pense peut-être à un titre en langue égyptienne qui voudrait signifier écuyer, mais c'est une difficulté de traduction ici. Seigneur de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte, hâtez-vous de remonter auprès de mon père, vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi, Seigneur de toute l'Égypte, descends vers moi sans tarder, tu habiteras dans le pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi, tes fils et tes petits-fils, ton petit et ton gros bétail et tout ce qui est à toi. Là, je te pourvoirai de tout, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne seras pas dépossédé, ni toi, ni ta famille, ni rien de ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est bien moi qui vous parle. Alors, rappelez-vous, jusqu'à maintenant, ce gouverneur leur a toujours parlé par l'entremise d'un interprète. Sauf là. Là, il est seul avec eux, il n'y a plus d'interprète. Mais ils ne l'ont jamais reconnu avant, là. Grimé en égyptien, puis 22 ans plus tard. Quelqu'un que tu as connu à 17 ans peut avoir changé pas mal, hein? Vous décrirez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Hâtez-vous de faire descendre mon père jusqu'ici. Il se jeta au cou de son frère Benjamin et pleura. Il donna aussi un baiser à tous ses frères en pleurant. 4e fois. Après cela, ses frères s'entretinrent avec lui. Là, les langues se délient. Mais ça a repris la repentance des frères. C'est ça le plaidoyer de Judas. Hein? Dieu a trouvé tes serviteurs en faute. Le bruit se répandit dans la maison du Pharaon, que les frères de Joseph étaient arrivés. Cela plut au Pharaon et à ses serviteurs. Le Pharaon dit à Joseph, dis à tes frères, « Faites ceci, chargez vos bêtes, partez, allez au pays de Canaan, prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi, je vous donnerai ce qu'il y a de bon au pays d'Égypte et vous mangerez les meilleurs produits du pays. Tu as ordre de leur dire, « Faites ceci, prenez dans le pays d'Égypte des chariots pour vos enfants et pour vos femmes. Faites-y aussi monter votre père et venez. Ne regrettez pas vos affaires, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. » Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chariots sur l'ordre du Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange et il donna à Benjamin 300 pièces d'argent et 5 vêtements de rechange. Après tout, c'est son seul véritable frère. Les autres sont tous ses demi-frères. Donc, c'est le seul fils de la même mère. Mais quand même, toute cette histoire pour Joseph commence avec la jalousie de ses frères, suite à la préférence marquée de son père. Et ici, Joseph marque la préférence envers Benjamin. Voici ce qu'il envoya à son père, 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte, 10 ânesses chargées de froment, de pain et de ravitaillement à l'intention de son père pour la route, puis il laissa partir ses frères qui s'en allèrent. Il leur dit, « Ne vous querellez pas en chemin. » Ben, je pense qu'ils ont prouvé qu'ils étaient capables de se quereller. Puis il vient de donner 300 pièces d'argent à Benjamin, 5 vêtements de rechange. En tout cas, il y a peut-être un lien à faire. Ils remontèrent d'Égypte et arrivèrent au pays de Canaan, auprès de leur père Jacob. Ils lui déclarèrent, « Joseph vit encore. » En fait, le récit est compressé dans le temps, là. Ils arrivent, tout ce qu'on voit là arrive. Je spécule, mais être Jacob, je pense que la première chose que je verrais revenir, c'est Benjamin. Je me jetterais au cou de Benjamin. C'est ce qui m'angoissait en particulier dans ce voyage. Ensuite, je verrais Siméon qui est de retour. Je me jetterais au cou de Siméon. Ensuite, je saluerais tous les autres. Et là, ensuite, les autres pourraient peut-être me parler. Joseph vit encore. En fait, je pense que les autres ont peut-être fait asseoir Jacob avant. Mais le cœur de Jacob reste à froid. Les yeux en spirale. Ouais, c'était drôle. Le cœur de Jacob reste froid. Ils lui répétèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Jacob vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de leur père Jacob reprit vie. Moi, j'ai tendance à comprendre que le deuil a été lourd pendant ces 22 années. Israël dit, « C'est assez. Mon fils Joseph vit encore, j'irai le voir avant de mourir. » Là, je vais voler un peu de verset au chapitre 46. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et offrit des sacrifices à Dieu de son père Isaac. Au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans des visions nocturnes. Il dit Jacob, Jacob. Israël répondit Me voici. Et Dieu dit Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car c'est là que je te ferai devenir une grande nation. C'est moi qui descendrai avec toi en Égypte, et c'est moi qui t'en ferai remonter, qui t'en ferai aussi remonter. Et Joseph te fermera les yeux de sa propre main. J'arrête là. Dieu boucle la boucle. Quelle histoire! Quelle histoire! Ce matin, ce que je vous propose, c'est que nous devons nous approprier les délivrances que Dieu en réserve pour nous. Nous devons nous les approprier par la foi dans sa souveraineté. S'approprier les délivrances que Dieu en réserve pour nous. Par la foi en sa souveraineté. On va voir deux raisons, rapidement, je vais essayer. Deux raisons pour lesquelles on doit s'approprier ces délivrances. La première raison, afin d'être consolé dans nos afflictions. Vous allez me dire, c'est une vérité de la palisse. Oui, mais regardons un petit peu ce que ça veut dire dans la pratique. C'est quoi la souveraineté de Dieu? Parce que si vous ne l'avez pas compris encore, là, je fais référence à ce qui sort de la bouche de Joseph quand il se fait reconnaître par ses frères. Il leur explique ce que Dieu a fait tout ce temps-là. C'est quoi la souveraineté de Dieu? J'ai essayé quelques formules. Ça veut dire que son plan, sa volonté, va s'accomplir irrésistiblement, on ne peut y résister d'aucune façon, Et il va composer avec l'infinité de variations qu'on appelle le cours des événements. Pour nous, ça nous semble, enfin, c'est au-dessus de ce qu'on peut concevoir. Tous ces univers parallèles qui découlent d'un battement d'ailes de papillon, si je pourrais dire. Alors, peu importe nos propres décisions, donc peu importe notre volonté, le plan de Dieu, sa volonté, va s'accomplir irrésistiblement en composant avec ce qu'on appelle le cours des événements. Il gouverne tous les événements de la vie. La nôtre, oui, puis celle de tout le monde. Ça nous parle d'une puissance sans limite. Ça nous parle d'une connaissance aussi sans limite. Et ça ferait peur, en fait. C'est effrayant de contempler autant de puissance. Ça fait peur si on oublie qu'il veut bénir l'humanité. Si on oublie qu'il nous aime, ce Dieu-là est redoutable. On assiste à son plan depuis le début de Genèse, on voit son plan se dérouler. Le péché n'a pas été, la chute de l'humanité par le péché n'a pas été un obstacle à son plan. Son plan l'intègre. Et son plan se continue en Abraham, où il fait la promesse à Abraham qu'il va bénir toutes les nations dans la postérité d'Abraham. Et ça, on le sait, dans le reste des Écritures, il nous parle de la venue du Seigneur Jésus. Il nous aime non seulement tous ensemble, mais il nous aime aussi chacun de nous en particulier. Si on revient à Joseph, comment est-ce qu'il a mis ça en pratique dans sa vie? Il a été l'objet du déversement de la haine de ses frères, la jalousie. Juste ça, subir ça, là, même sans le reste. Vous savez que vos frères vous haïssent à ce point-là, sont prêts à commettre le meurtre. Juste endurer ça, je vous garantis qu'on ne reste pas indifférent. Maintenant, c'est pas tout, hein, on l'a dit, il a connu 13 années d'esclavage, plusieurs années d'emprisonnement, on ne sait pas exactement combien, mais il a été séparé de sa famille, de son père, qui l'aimait tant, pendant 22 ans. Dans toutes ces situations, il a vécu de l'angoisse et de la détresse. Mais qu'est-ce qu'il a démontré? Est-ce qu'il s'est effondré? Non, on en a parlé d'ailleurs dans des enseignements précédents. Malgré la détresse qu'il a pu vivre, ce qu'on discerne dans le texte, on peut dire en filigrane, en transparence, c'est que il a dû se rappeler souvent les promesses de Dieu, puis sa fidélité aussi. Il a pu expérimenter au quotidien, dans ses épreuves, qui pourtant se prolongeaient dans le temps, il a pu expérimenter au quotidien la consolation qui vient de Dieu. Pourtant, ces circonstances sont restées très statiques, très longtemps. Nous, on lit ça en quelques chapitres. Joseph l'a vécu en 22 ans. Est-ce que Joseph savait tout à l'avance? Hein? Moi, Joseph, c'est pas pareil, lui, c'est pas juste. Hein, connaissait l'avenir. Est-ce qu'il savait tout à l'avance? Quand est-ce qu'il s'est souvenu des songes pour commencer à les appliquer à ce qui était en train d'arriver? Presque à la fin des 22 années. Mais ce que Joseph a entretenu, cultivé dans son cœur, c'est que les délivrances passées, l'accomplissement passé des promesses de Dieu était garante des délivrances à venir. Depuis Abraham, Dieu fait des promesses. Joseph les connaît. Par exemple, Isaac, c'est une promesse très concrète dans la vie d'Abraham. Elle fait partie de l'histoire familiale. Joseph la connaît. Ça, c'était la première raison. Hein? C'est afin d'être consolé dans nos afflictions. C'est la première raison pour laquelle on doit s'approprier les délivrances que Dieu nous réserve. On doit se les approprier par la foi dans sa souveraineté. La deuxième raison, c'est afin de pouvoir pardonner pleinement. Le pardon que Joseph a manifesté ici était enraciné dans le discernement de la volonté de Dieu, de la bienveillante volonté de Dieu, non seulement dans sa propre vie à lui, mais dans celle de ses frères. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique de croire que toutes les injustices qu'on subit de la part des hommes, toutes les injustices qu'on peut subir de la part des hommes, toutes les épreuves, parce que ce n'est pas toujours nécessairement sous la forme de quelqu'un m'offense, une épreuve, ça peut prendre différentes formes, mais tout ça, injustice et autres épreuves, sont soumises au contrôle infaillible de notre Dieu. Et il ne se lasse pas de nous. Et il ne se lasse pas de nous. Et si on l'oublie, on s'expose à cultiver de l'amertume, pas juste contre les hommes, contre Dieu. Dans ce qu'il nous donne à traverser, on va lui attribuer de l'injustice. Mais sans rappeler au contraire, ça change complètement notre rapport aux injustices et aux épreuves. C'est seulement alors qu'on peut pardonner pleinement. Pardonner, c'est remettre quelque dette que ce soit à qui que ce soit. Et remettre définitivement. Et c'est ce que Joseph a fait. Mais il n'y a pas juste Joseph, en passant, qui pardonne dans ce récit-là. Quand les fils doivent apprendre à leur père que Joseph vit encore et qu'il lui rapporte toutes les paroles que Joseph leur a demandé de rapporter à leur père, il a dû avoir des explications. Mais est-ce qu'on entend Jacob me reprocher quoi que ce soit à ses fils? Mais mettez-vous à sa place. Alors, si je m'approprie les délivrances de Dieu par la foi dans sa souveraineté, je pardonne pleinement et j'imite Dieu qui lui aussi est gracieux d'abord envers moi. Et il s'agit d'une autre délivrance, parce que le débiteur a besoin d'être délivré. Le débiteur, c'est l'offensé. Le débiteur a besoin de pardonner. Lui aussi a besoin d'être délivré, parce que s'il ne pardonne pas, il va expérimenter des tourments ardents. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que Dieu est redoutable. Il est redoutable par sa toute-puissance à gouverner tous les événements dans la vie de tout le monde en même temps. Mais on a vu aussi qu'il est plein de bonté. En fait, c'est une expression faible. Il se plaît à délivrer tant les individus dans son peuple que son peuple tout entier. Et simultanément, et de toutes sortes de façons, il a délivré Joseph de l'esclavage, il a délivré du cachot, il a délivré Jacob du deuil, il a délivré les 10 frères de la jalousie et de la culpabilité. Sans cette réconciliation-là, la culpabilité, ils auraient continué de la porter, de la vivre. Et c'est lourd à porter. Il a délivré Joseph et Jacob de l'amertume du manque de grâce. Hein? Ils n'ont pas retenu la dette. Il a délivré son peuple d'une famine mortelle. La grande délivrance à laquelle Joseph fait allusion. Verset 7 du chapitre 45. Mais la liste est longue, la liste des délivrances est longue. Il a délivré son peuple en les amenant en Égypte, il les délivre d'être dilués parmi les nations. Parce qu'en Égypte, il va les amener dans le pays de Goshen, et ils vont être mis à part du reste des Égyptiens. Et ils vont pouvoir devenir une nation. 400 ans plus tard, 600 000 hommes de pied, donc des hommes entre tel âge et tel âge, là, je ne peux pas dire exactement, mais des hommes de guerre, quoi. 600 000, un peuple nombreux. Chose très rare en passant à cette époque, qu'un peuple s'accroisse. D'habitude, les populations sont plutôt stagnantes, il y a beaucoup de mortalité. Mais la plus grande délivrance de toutes, il veut délivrer l'humanité entière de ses péchés, qui sont tous mortels. Et toi y compris. Comment il veut délivrer? En offrant son Fils bien-aimé, Jésus. Si ce matin, tu es déjà son enfant, est-ce que tu crois qu'il est encore le même? Est-ce qu'il a changé ou il n'a pas changé, Dieu? Ça, c'est le défi. Est-ce que je lis ça en me distançant d'avec les personnages, y compris Dieu lui-même? Est-ce que tu crois que Dieu est encore animé des mêmes dispositions envers toi? Est-ce que tu as perdu de vue à quel point il t'affectionne? Est-ce que tu as oublié qu'il va te délivrer de tes afflictions? As-tu oublié qu'il t'a délivré aussi d'afflictions passées? Mais tôt ou tard, les afflictions que tu vis encore, il va t'en délivrer. As-tu oublié? Est-ce que tu t'appropries ces délivrances passées et à venir? Observe les symptômes. Est-ce que tu pardonnes ou tu ne pardonnes pas? Est-ce que tu retiens des dettes? Observe les symptômes. Est-ce que tu es continuellement angoissé ou tu es consolé? Si tu présentes les symptômes, ben, Seigneur, relève-moi. Relève-nous. Pour qu'on soit consolés et gracieux les uns envers les autres. Maintenant, si tu n'es pas son enfant, est-ce que tu veux connaître ce Dieu tout-puissant et délivreur, plein de bonté? Dans la Bible nous dit « riche en miséricorde ». Miséricorde, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu comme compassion, mais pas la façon dont on entend parler de compassion dans les journaux. Est-ce que tu vas répondre à son amour? Et comment y répondre? C'est comme les frères de Joseph, repens-toi, puis crois au Seigneur Jésus, mets ta confiance dans le Seigneur Jésus, et tu vas être délivré. Délivré de quoi? Ici, c'est la plus grande délivrance possible qu'il n'y a pas. C'est de la mort éternelle, dans un endroit qu'on appelle l'enfer, séparé de Dieu et tourmenté. C'est bon pour moi.